Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés aux cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment les dieux grecs sont-ils profondément enracinés dans le territoire, s'interroge Vinciane Pirène-Delforge, titulaire de la nouvelle chaire Religion, Histoire et Société dans le monde grec antique. Face à cet enracinement dans le territoire, que se passait-il sur le plan religieux quand un grec arrivait dans une cité qui n'était pas la sienne ? Le voyage en pays polythéiste dans la Grèce antique, sous la forme d'un mode d'emploi, que nous a proposé notre historienne anthropologue spécialiste d'Aphrodite et d'Héra, depuis sa leçon inaugurale, s'achève aujourd'hui. Dans une interview donnée au magazine Le Point fin 2017, Vinciane Pirène-Delforge expliquait, et je la cite, que les Grecs cohabitaient avec leurs dieux et qu'ils devaient faire des choix pour identifier le ou les bons interlocuteurs divins ou héroïques dans des circonstances données. Pour un même objectif, un voyage à effectuer, une guerre à mener, un Athénien et un Spartiate, par exemple, ne vont pas nécessairement opérer le même choix divin. Pour ce dernier cours en forme de conclusion, Vinciane Pirène-Delforge propose d'étudier l'interdiction parfois totale pour un étranger d'accéder à un sanctuaire d'une part et d'autre part de sacrifier lui-même dans une cité autre que la sienne telle qu'en témoignent les prescriptions rituelles. Les restrictions imposées à un xénos, c'est-à-dire un étranger, sur le plan religieux sont comparables à celles qui lui sont faites sur un plan politique. Des intermédiaires doivent intervenir pour qu'il ait accès aux institutions d'une cité étrangère. C'est le statut de l'individu qui est en cause dans ce cadre, ce qui atteste l'importance des rites sacrificiels dans la détermination de l'appartenance à une communauté. Alors qu'en est-il du cas de Cléomène qui se voit interdire l'accès du sanctuaire d'Athéna sur l'acropole d'Athènes parce qu'il est dorien? Et que représente sa revendication d'être aussi achéen? Quel est alors l'ancrage local des cultes et de l'imaginaire partagé? Nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 12 avril 2018 pour le cours de Vinciane Pirène-Delforge, Polythéisme grec, mode d'emploi, aujourd'hui, la religion grecque entre unité et diversité. Nous voici arrivés à la toute dernière étape du voyage auquel je vous ai convié cette année et comme je vous l'ai dit d'emblée, il s'agissait d'esquisser ce que j'ai appelé le mode d'emploi du polythéisme grec, un mode d'emploi donc pour appréhender le fonctionnement de ce système. Alors en ce moment conclusif, mais qui n'est évidemment que provisoirement conclusif, je voudrais revenir sur la dimension topique, c'est-à-dire l'ancrage dans le territoire de la relation que les Grecs entretenaient avec leurs dieux, avec les héros ou avec des entités ancestrales vaguement définies comme le sont par exemple les Tritopathoros dont je vous ai parlé la semaine dernière. Je vais dès lors refermer cette première réflexion sur la tension entre le général et le particulier dans l'étude de la religion grecque en repartant du point de vue local et de l'importance de cet ancrage local pour définir la relation entre les Grecs et leurs dieux. Et c'est évidemment la dernière fois cette année que l'enquête d'Hérodote, qui nous sert de guide depuis le début de ces leçons, me permettra de circonscrire les termes d'un questionnement que je peux résumer comme suit. Donc la question que je pose aujourd'hui est la suivante. Quand un Grec arrivait dans une cité qui n'était pas la sienne, qu'en était-il de la représentation des dieux qu'il y croisait et de l'accès au culte qu'il voulait éventuellement leur rendre? en ayant cette intention, en vous présentant cette intention, je renoue évidemment avec la définition de l'Hellénikon qu'Hérodote donnait au livre 8 de ses histoires, au chapitre 144. C'est une définition que je vous ai soumise il y a déjà plusieurs semaines et que nous avions alors analysée. Donc l'Hellénikon, c'est-à-dire donc, la grécité, le fait d'être grec, même sang, même langue, des établissements communs des dieux. Vous vous souvenez du terme hydrumata, hein, sur lequel je suis régulièrement revenu, en tout cas sur le champ sémantique du verbe hydruein, fondé, enraciné, établir. Donc les établissements communs des dieux, ainsi que des sacrifices, des mœurs et des manières semblables. J'avais alors insisté, je vous le rappelle, sur le fait que la mention des établissements communs des dieux et des sacrifices ne faisait pas de la religion un facteur d'unité de la grécité en soi. Ce qui était évoqué derrière cette affirmation d'Hérodote, ce qui était évoqué, c'était les sanctuaires panhelléniques où les Grecs, effectivement, avaient choisi de manière concertée d'installer l'un ou l'autre dieu, où ils se réunissaient pour offrir des sacrifices. Donc la légitimité de la question que je pose aujourd'hui, c'est-à-dire que se passe-t-il quand un Grec arrive dans une cité qui n'est pas la sienne, vient du fait précisément que ce qui est religieux dans cette définition de l'Hellénikon chez Hérodote, c'est ce qui relève de la dimension panhellénique. Donc il faut revenir sur le plan des cités singulières pour tenter d'affronter cette question qui nous ramène évidemment directement dans la question du général et du particulier qui nous occupe maintenant depuis 12 semaines. Bien, nous allons maintenant entrer dans l'enquête et plus précisément au livre 5. Au livre 5 de son enquête, Hérodote raconte la révolte d'Ionie qui forme le premier épisode, donc l'élément déclencheur des guerres médiques, ce grand conflit qui occupe le travail d'Hérodote, grand conflit qui oppose donc les Grecs et l'empire du roi des Perses. Au cœur du récit sur la révolte d'Ionie viennent se loger deux digressions qui portent respectivement sur l'histoire d'Athènes et sur l'histoire de Sparte. Et c'est à Athènes que se situe l'épisode qui m'intéresse. Nous sommes à peu près en 510 avant notre ère, et Hippias, le dernier fils de Pisistrate, s'est enfui de la ville, et la tyrannie a pris fin dans la cité, notamment grâce à l'intervention du roi Cléomène de Sparte, dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui, l'intervention du roi Cléomène de Sparte et de son armée, qui avait été appelée en renfort par des aristocrates qui voulaient se débarrasser des tyrans. Une fois que les tyrans sont partis, que les Spartiates sont rentrés chez eux, deux hommes forts se font jour sur la scène politique athénienne, à savoir Clisthène et Isagoras. Alors ce sont deux Athéniens issus de familles aristocratiques, mais avec une vision de la politique au cœur de la cité d'Athènes très différente l'un de l'autre. Clisthène va en effet entreprendre une réforme en profondeur du corps civique en répartissant les citoyens en 10 tribus qui mélangent étroitement les gens de la côte, les gens du centre, du cœur de l'Attique et les habitants du centre urbain. Donc la réforme de Clisthène vise à mélanger les Athéniens pour éviter l'existence de groupes de pression et d'affidés au sein de solidarité purement locale. C'est donc la réforme territoriale athénienne qui aboutira au développement de l'isonomie d'abord, c'est-à-dire l'égalité devant la loi, et puis ce que les Grecs eux-mêmes et surtout les Athéniens appellent la démocratie qui se renforcera dans le courant du 5e siècle. Et comme l'écrit joliment Hérodote, Clisthène avait rattaché le peuple à son hétérie, c'est-à-dire qu'il avait mis le peuple de son côté. Mais la formule d'Hérodote est très jolie, puisqu'une hétérie en Grèce, dans un contexte d'aristocratie archaïque, c'est le groupe des affidés, précisément. C'est-à-dire ce que Clisthène tentait de casser avec cette réforme territoriale. Et donc, en utilisant ce vocabulaire pour parler de l'association entre Clisthène et le démos, le peuple, Hérodote fait évidemment un clin d'œil à son lecteur ou à son auditeur. Et en s'alliant ainsi au démos, Clisthène va obtenir un avantage substantiel dans son opposition à Isagoras, dans la mesure où Isagoras, lui, ce à quoi il aspire avec d'autres aristocrates, c'est à revenir au système antérieur, à la prise de pouvoir de Pisistrate et de ses fils. Alors, dans cette affaire, Isagoras voit progressivement la situation lui échapper, et il va alors faire une nouvelle fois appel aux Spartiates. Et donc, Isagoras fait appel à Cléomène, qui est son allié spartiate, pour se rendre maître d'Athènes. Mais finalement, les visées d'Isagoras et de Cléomène sont contrecarrées par le conseil d'Athènes. Donc, les Lacédémoniens, les Spartiates, sont renvoyés chez eux, manu militari. Donc voilà le cadre, l'arrière-plan, sur lequel s'inscrit le passage que je veux vous soumettre et dont nous allons partir et qui va servir de fondement à notre réflexion pendant toute cette leçon. En effet, au cours de ces journées d'incertitude, où les Spartiates sont là, les aristocrates qui les ont appelés veulent prendre le pouvoir avec leur aide, pendant ces journées d'incertitude, nous raconte Hérodote, Cléomène, le roi de Sparte, serait monté sur l'acropole d'Athènes où s'élève l'antique sanctuaire, l'antique temple, l'ancien temple d'Athéna Poléas, la protectrice de la cité. Et je vais lire avec vous le texte en question. Donc, quand il monta sur l'acropole, prêt à s'en rendre maître, parce qu'évidemment c'est ça l'objectif, il était sur le point de pénétrer au cœur du sanctuaire de la déesse pour s'adresser à elle. Alors, la prêtresse, se levant de son trône avant qu'il eût franchi la porte, lui dit « Étranger de la Cédémone, fais demi-tour sans entrer dans ce sanctuaire. Il n'est pas religieusement permis aux Doriens de se présenter là. » À quoi il avait répondu, donc Cléomène, « Femme, je ne suis pas Dorien, mais Achéen, ou Dorius Eimi al Achaios. » Sans tenir compte du présage, il avait tenté l'entreprise et il dut alors retourner sur ses pas, chassé avec les Lacédémoniens. Voilà le texte. Cette scène grandiose du Spartiate montant sur l'acropole d'Athènes. Alors, l'historicité est loin d'être assurée, mais, comme souvent, quand l'historicité n'est pas assurée, il y a quand même une accumulation d'éléments qui sont absolument fondamentaux pour nous, pour alimenter notre réflexion sur les représentations qui sont mobilisées de cette manière. L'historicité n'est pas davantage assurée pour une autre scène du même type, qui met en jeu à nouveau Cléomène de Sparte, mais qui se passe cette fois-ci à Argos. Parce que Cléomène a fait cette démarche sur l'acropole d'Athènes, mais d'après Hérodote, il a fait de même dans la cité d'Argos, ou plutôt juste à l'extérieur de la cité, où s'élevaient les Raïon, c'est-à-dire le sanctuaire d'Héra, la divinité tutélaire de la cité d'Argos. Donc là, nous sommes au livre 6, chapitre 81. Il se serait rendu, donc le même Cléomène, dans les Raïon, dans l'intention de sacrifier. Et je lis le texte avec vous. Alors que Cléomène désirait sacrifier lui-même sur l'autel, le prêtre l'interpella en lui disant qu'il n'était pas religieusement permis à un étranger de sacrifier en ce lieu. Cléomène ordonna aux ilotes qui éloignaient le prêtre de l'autel de le flageller, tandis que lui-même procédait au sacrifice. Et après ce passage, Hérodote nous dit que les Spartiates repartent chez eux. Or, l'intention affichée de Cléomène au départ, hein, donc dans ce contexte du livre 6, qui n'est plus celui d'Athènes et de la crise entre Clisthène et Isagoras, l'intention première de Cléomène était de s'emparer d'Argos, donc de s'emparer de la cité elle-même, à la suite d'un oracle qui lui avait semblé favorable. Et puis, en fait, il n'a pas pris Argos, il est reparti à Sparte. Et arrivé dans sa cité de Sparte, il doit évidemment se défendre auprès de ses concitoyens de ne même pas avoir tenté de s'emparer d'Argos. Et sa défense nous intéresse car elle fait le lien avec un aspect de ce sacrifice offert à l'Héraïon qu'Hérodote avait laissé complètement dans l'ombre. En effet, quand Hérodote met en scène Cléomène qui se défend auprès de ses concitoyens de l'accusation de n'avoir même pas tenté de s'emparer d'Argos, il explique que le sacrifice était favorable, mais une flamme a surgi de la poitrine de la statue de la déesse, ce qui l'a dissuadé de prendre la cité d'Argos. Et il ajoute qu'il l'aurait fait si la flamme était sortie de la tête, c'est-à-dire que le présage aurait pu être interprété autrement. Et Cléomène expliquait aussi que l'oracle initial était en fait un oracle pour lequel il s'était complètement fourvoyé. Alors, dans un cas comme dans l'autre, dans le sanctuaire de l'Athénapolias athénienne, comme dans celui de l'Héra argienne, c'est l'assentiment divin, c'est l'approbation divine à son entreprise que Cléomène allait chercher. Dans le cas de la scène athénienne, il n'entend pas le présage qui passe par la bouche de la prêtresse, qui lui intime l'ordre de ne pas entrer là. Alors certes, ne pas entrer là, c'est ne pas entrer dans la partie la plus profonde du sanctuaire de la déesse elle-même. Mais c'est aussi une manière de le dissuader d'entrer dans Athènes elle-même. Il y a une sorte de métonymie là, qui s'opère entre le temple de la déesse tutélaire et la cité elle-même. Et donc, il était sommé de ne pas entrer dans Athènes avec des prétentions belliqueuses. Et il ne suit pas le présage avec les conséquences que j'ai évoquées tout à l'heure. Dans le cas d'Argos, en revanche, il suit le présage qui est envoyé par la déesse avec cette flamme qui sort de la poitrine de sa statue. L'économie narrative des deux épisodes n'est pas tout à fait la même. Dans un cas, on a la prêtresse qui se lève de son trône, qui lui dit « Tu ne peux pas rentrer dans le sanctuaire, les Doriens n'y sont pas autorisés. » Dans l'autre cas, c'est le prêtre qui lui dit « Non, non, non, non, un étranger ne peut pas sacrifier. » Mais l'une et l'autre scène jouent sur des prescriptions sacrificielles qui étaient bien connues par les lecteurs ou les auditeurs d'Hérodote. En effet, ceux qui prenaient connaissance de ces épisodes savaient très bien que des interdictions existaient, des interdictions radicales pouvaient exister, empêchant un étranger d'accéder à un sanctuaire, d'une part, et d'autre part, il existait une interdiction, dans un certain nombre de cas, à un étranger de procéder à un sacrifice de sa propre initiative, essentiellement dans une cité qui n'était pas la sienne. Donc, il y a ces deux injonctions qui sont sous-jacentes aux deux épisodes racontés par Hérodote et que ceux qui reçoivent ces épisodes connaissent parfaitement bien. En effet, quand on reprend l'expression qui est utilisée par Hérodote dans le passage du livre 6, vous voyez, « Ukosionainai xeino autotituein », il n'est pas religieusement permis à un étranger de sacrifier en ce lieu, ce n'est pas une interdiction d'accès comme telle, mais l'interdiction de sacrifier sans passer par un intermédiaire local. C'est cela que ça veut dire. Et donc, quand le prêtre arrivait au devant de Cléomène, la scène était parfaitement identifiable par les Grecs, c'est-à-dire c'est le prêtre qui devait servir d'intermédiaire. Et on a un très beau parallèle à cette situation qui vous montre que nous ne sommes pas dans un registre purement narratif. Nous sommes dans l'île de Chios. L'inscription est plus ou moins contemporaine de l'édition de l'enquête d'Hérodote, donc nous sommes dans un contexte chronologique cohérent. Donc nous avons affaire à une norme rituelle avec des données qui vous sont familières maintenant depuis que je vous ai parlé des splankna, des viscères des animaux sacrificiels, puisque Chios était l'île où les viscères devaient être placés sur les mains de la statue. Et dans cette norme rituelle précise, il est précisé que pour l'étranger, c'est le prêtre qui sacrifie pour lui. Donc on voit bien qu'ici, il y a la mise en forme prescriptive de cette nécessité d'en passer par le prêtre quand on est étranger. Ce qui veut dire que quand on est citoyen, quand on est un natif de Chios, habitant de Chios, citoyen de Chios, on peut, à titre individuel, poser le geste sacrificiel soi-même. Alors, si je reviens à l'épisode athénien, Il est clair que cet épisode nous livre diverses composantes qui donnent des choses à penser sur le polythéisme grec, dont je vais me saisir aujourd'hui, et j'en retiendrai deux. Tout d'abord, l'interdiction qui est posée par la prêtresse d'Athéna, et deuxièmement, le fait que Cléomène se revendique achéen, ce qui est une étrangeté à première vue, puisque les Spartiates sont des Doriens. Donc je commencerai par l'interdit, puisque c'est le premier point que je vous annonce. C'est donc à l'Athéna, protectrice d'Athènes, que le roi de Sparte entend s'adresser dans son sanctuaire de l'Acropole. Il en est repoussé par la prêtresse, et l'image de cette femme assise sur son trône, un siège ouvragé, c'est ça que signifie Tronos, l'image de cette femme assise sur un trône et gardant la porte de la partie profonde du sanctuaire du temple est évidemment un tableau de circonstances. On imagine mal que la prêtresse d'Athénapolia soit restée assise sur sa chaise continuellement, attendant éventuellement qu'un étranger veuille entrer dans le Saint des Saints du sanctuaire. Donc c'est vraiment un tableau de circonstances. Mais on sait par ailleurs que l'une des fonctions du personnel de culte était de faire respecter les règles en vigueur dans le sanctuaire dont il avait la charge. Et le cas de l'Héraïon d'Argos vous montre bien que le prêtre fait la même chose. Cléomène arrive, il lui dit « Non, tu ne peux pas sacrifier toi-même. » Or, l'entrée d'un certain nombre de sanctuaires, je vous l'ai dit, était effectivement interdite à des catégories spécifiques de personnes, selon les cultes, selon les lieux, hein, tout cela est extrêmement varié. Nous sommes vraiment dans le local et dans la variété des motifs. Et les normes rituelles épigraphiques permettent de saisir cette dimension de l'interdiction à certaines catégories de personnes. Alors, pour être précise, certains de ces interdits sont associés à des règles de pureté très strictes ou à l'obligation d'être initié quand nous avons affaire à un culte de type électif. Donc ça, ce sont des circonstances précises, des règles de pureté qui sont particulièrement contraignantes dans le cadre de certains cultes, ou l'obligation d'avoir subi l'initiation pour accéder à un culte qui l'impose. Donc ça, ce sont des cas que je laisse de côté dans mon propos d'aujourd'hui. Et si je laisse ces éléments de côté, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, il reste trois composantes de la population d'une cité, la population d'une cité, ou en tout cas personne qui est éventuellement de passage aussi dans une cité, donc trois composantes sont susceptibles d'être frappées d'une interdiction explicite d'accès dans un sanctuaire. Ce sont les étrangers, les femmes et les esclaves. Ce type d'interdit, je vous entends rire, ou en tout cas ricaner, mais on va approfondir tout ça. Alors, ce type d'interdit implique ipso facto l'absence de toute participation au rituel qui se déroule dans le sanctuaire. Parce que, évidemment, c'est à ce niveau-là que se justifie l'interdit. Hein, ce n'est pas simplement « vous ne pouvez pas y aller ». Non, c'est toute la participation à la vie rituelle du sanctuaire qui est interdite. Donc, ce n'est pas un quelconque tabou qui frapperait le sanctuaire lui-même, auquel cas on s'entendrait plutôt à des questions de purification. Non, c'est vraiment une question de statut. C'est-à-dire que l'interdiction affirme la relation intime entre la participation au rite, surtout quand il s'agit de sacrifice, et l'affirmation du statut de ceux qui prennent part à ce sacrifice. Donc c'est vraiment cette dimension-là. Donc nous sommes à la fois dans le social, dans le politique, et évidemment dans le religieux, puisque je vous ai dit de longue date que tous ces éléments étaient interconnectés dans ce monde que nous essayons de comprendre. Alors je prends quelques exemples de ces prescriptions épigraphiques qui évoquent l'interdit d'accéder à un sanctuaire pour un étranger. On n'en a pas énormément. Un premier exemple qui nous vient de Délos, nous sommes donc à la fin du 5e siècle, à nouveau, et on a identifié, donc vous voyez dans les années 90, on a attribué deux linteaux de porte à un sanctuaire des liens d'Agnos, au sanctuaire des liens d'Agnos. Agnos était considéré, donc c'est une figure mythique, considéré comme étant le fondateur de la cité de Délos. Donc il est lié au passé mythique de la cité et notamment la dimension de fondation antique. Et donc ce sanctuaire s'appelle dans les inscriptions l'Archégésion, c'est-à-dire le sanctuaire de l'Archégède, c'est-à-dire le sanctuaire du fondateur. Or, sur les linteaux de portes qui ont été attribués à cet Archégésion, on lit à un étranger, donc à un xénos, il n'est pas religieusement permis d'entrer. Donc ce sanctuaire, je vous le disais, est voué à Agnos, et dans une île, évidemment, qui accueillait par ailleurs, vous le savez, le sanctuaire panionien d'Apollon, c'est-à-dire une île finalement qui était ouverte aux habitants, notamment des îles voisines, l'injonction qu'un xénos ne pouvait pas entrer dans le sanctuaire du fondateur de la cité prenait évidemment tout son sens. Seuls les Déliens avaient accès au sanctuaire de celui qu'ils considéraient comme le fondateur de leur cité. Et on voit bien que là, c'est vraiment une question de statut. C'est en tant que citoyens de Délos qu'ils ont accès à ce culte. Et ça définit, dans une certaine mesure, leur statut. Alors, dans l'île voisine de Paros, une cinquantaine d'années plus tôt, une injonction comparable envers des étrangers doriens qui a été mise par écrit. Malheureusement, là, vous voyez, l'inscription est extrêmement mutilée. Et donc, voilà, j'ai traduit la première ligne. À un étranger dorien, il n'est pas religieusement permis d'entrer. Et c'est la notion de thémis qui est ici énoncée. En revanche, on a beaucoup de mal à savoir exactement à quel culte on avait affaire. Alors, on pense que c'est éventuellement une corée du centre urbain, mais tout ça est extrêmement peu clair, donc je ne m'y appesantis pas. Mais on voit bien ici, à nouveau, une interdiction d'accéder à un sanctuaire. Enfin, troisième exemple que je vais vous soumettre, il nous vient de Mykonos. Le texte date, vous le voyez, de la fin du IIIe siècle avant notre ère, et c'est un texte très important parce que il règle l'organisation des fêtes et des sacrifices dans le cadre du synécisme de la cité. C'est-à-dire que dans le courant du IIIe siècle, probablement deux cités de l'île de Mykonos ont décidé d'unir leur destin, de devenir une seule cité, c'est ce qu'on appelle un synécisme. Et dans ce cas-là, il faut évidemment régler toute une série de problèmes très pratiques, mais aussi sur un plan religieux. Il faut rationaliser les fêtes, tout en continuant à respecter la tradition des deux communautés. Et donc, c'est cette rationalisation de la vie religieuse, cette organisation de la vie religieuse de la nouvelle cité, qui a fait l'objet de cette mise par écrit qui nous a été magnifiquement conservée. Alors, on lit la traduction ensemble. Le 11, alors c'est du mois Lénaïon, lors de l'assemblée, assémélait un petit de l'année, donc un jeune animal. On en fait 9 parts. Le 12, à Dionysos Léneus, donc, c'est-à-dire une épiclèse qui renvoie au nom du mois, donc à la fête qui s'y célèbre, un petit de l'année, pour les récoltes, vous voyez, hypercarpone, à Zeus Ctonios et à Gai Ctoniae, des petits de l'année de couleur noire écorchée. Cela n'est pas religieusement permis à un étranger et la viande est à consommer sur place. C'est donc un sacrifice à un Zeus de l'humus et à une terre de l'humus, puisque derrière Ctonios et Ctoniae, vous avez le terme grec ctone, qui signifie cette couche noire et fertile, qui est favorable à la croissance des végétaux. Et donc c'est ce Zeus de l'humus et cette terre de l'humus qui sont honorés en l'occurrence par des jeunes animaux noirs. Noir, on voit bien le symbole de la couleur qui s'opère avec cette noirceur de l'humus, mais c'est un noir porteur d'espérance, puisque ce sont les récoltes à venir, hypercarpone. Et donc dans ce cadre qui met en jeu la subsistance de la communauté de façon immédiate, c'est dans cette circonstance-là que la cité de Mykonos a décidé d'exclure les étrangers. C'est une manière de mettre l'accent sur la communauté elle-même. Et vous remarquerez que l'injonction à consommer les viandes sur place va accentuer encore cette dimension communautaire, locale, qui est liée à ce sacrifice pour le Zeus de l'humus et la terre de l'humus. Donc, dans la documentation que nous avons conservée, les prescriptions qui explicitent de la sorte des exclusions sont, il faut bien le dire, relativement rares. Et face à ce type de texte, l'interprétation peut varier selon le point de vue qui est adopté par le chercheur. En effet, que fait-on face à une injonction d'interdit ? Eh bien, soit on peut considérer que ceux qui sont ponctuellement interdits sont habituellement admis, et la prescription négative vient sanctionner quelque chose d'exceptionnel. Mais on ne peut pas totalement se satisfaire de ce point de vue, et on pourrait considérer que dans des cas particuliers, il est obligatoire, pour des raisons qui nous échappent, de consigner explicitement une pratique qui jusque-là était implicite. On ne peut pas exclure cette deuxième option. Donc ce sont des injonctions négatives qui sont très délicates à comprendre et surtout très difficiles à généraliser. Nous sommes là dans les limites de cette tension entre le général et le particulier, c'est-à-dire que les décisions qui sont prises sur le plan local, donc d'un point de vue particulier, ne sont pas forcément généralisables. Et donc on ne peut pas dire de façon brutale, ah, si on a une prescription négative, ça veut dire qu'habituellement la prescription est positive, mais que dans le cadre de ce culte, elle est exceptionnellement négative. C'est une possibilité, mais ce n'est pas nécessairement généralisable. Donc, je ne m'engagerai pas dans le détail de ce débat, mais le caractère conjoncturel de nombre d'inscriptions de ce type laisse entendre que les deux options que je viens de vous soumettre peuvent être potentiellement valides et que l'on aurait tort d'ériger en règle unique ce qui peut relever de ce que j'appellerais une écologie rituelle locale. Ce sont les motifs sur la trame. Et le cas de Mykonos est tout à fait exemplaire, car si la communauté a ressenti le besoin de préciser que pour tel sacrifice, celui de Zeus, Ktonios et de Gectonie, les étrangers n'étaient pas admis, c'est aussi dans cette inscription que l'on trouve l'un des quelques 10 textes, il n'y en a pas plus, qui souligne une interdiction faite aux femmes. Je lis le texte avec vous. Donc, nous sommes au mois Posidéon, le 12 Posidéon, donc qui est un mois d'une fête de Poséidon, comme le nom l'indique, à Poséidon Téménites, un bélier qui l'emporte par sa beauté, de couleur blanche, non castrée. Le bélier n'est pas amené dans la cité, le dos et l'omoplate sont entaillés, on verse une libation sur l'omoplate. Ce genre de littérature vous est maintenant habituel avec tout ce que je vous ai déjà montré de prescriptions épigraphiques. Au prêtre, la langue et l'épaule, donc voilà la part du prêtre. Le même jour, à Poséidon, Phikios, un agneau blanc non castré. Ce n'est pas religieusement permis à une femme, Gunaiki ou Thémis. Donc vous voyez, tout à l'heure, on avait Xéno ou Thémis, ce n'est pas religieusement permis à un étranger. La formule est exactement la même, mais cette fois pour une femme. Et sur la taxe des poissons, que le conseil donne 20 drachmes quand il achète les animaux sacrificiels. Donc dans ce cas précis, l'obligation de clarifier des prescriptions dans le cadre d'un travail de fond sur le calendrier rituel, je vous ai expliqué, le cadre du cynécisme impose ce travail de fond, explique pour une part la nécessité d'identifier ces différentes injonctions. D'autres cas sont moins clairs. Je vous remontre de ce point de vue une inscription que nous avons vue la semaine dernière. C'était le parallèle que j'avais utilisé pour la découpe en neuvième part, de la neuvième part pour les Tritopathoros. Je vous avais dit, pour Héraclès Stasios au début du 5e siècle, on avait l'injonction « il n'est pas permis de faire une division en neuf parts ». Mais ce que je n'avais pas mis en évidence à ce moment-là, parce que ce n'était pas dans mon propos immédiat, mais que je convoque ici, c'est qu'il y avait une autre interdiction, enfin plusieurs autres interdictions. Cette inscription n'est faite que d'interdictions, et une de celles-là, c'est « il n'est pas religieusement permis aux femmes de participer » ou des « gunaiki temis ». Donc à nouveau, ce « ou temis »,« gunaiki ou temis ». Donc voilà le cas d'un culte d'Héraclès, où on ne peut sacrifier ni un caprin ni un porcelet, les femmes ne peuvent pas participer, on ne peut pas faire une division en neuf parts, on ne donne pas de part d'honneur et aucun concours n'a lieu. Bon, on se demande un peu ce qu'on fait, il faut bien reconnaître. Et c'est une inscription qui a fait couler des litres d'encre. Donc, ce qui m'intéresse juste ici, c'est de vous montrer un parallèle à cette injonction. En voici un autre qui nous vient cette fois de Phocide, donc nous sommes en Grèce centrale, à Élaté, et l'inscription est datée de la fin du 5e siècle. Elle est très brève. Dans le sanctuaire des seigneurs, l'Anakeion, le sanctuaire des seigneurs, celui qui sacrifie peut dresser une tente. Mais une femme ne peut pas entrer. Voilà, c'est la seule chose que l'on connaît de cet Anakeion d'Élaté. Donc voilà le genre de texte auquel nous avons affaire à propos de ces interdits. Alors, dans ces trois cas, donc celui de Mykonos, celui de Thasos et celui d'Élaté, le profil du dieu peut sans doute expliquer pour partie l'interdiction d'intégrer des femmes à la communauté sacrifiante. Parce que c'est évidemment ça, je le répète, qu'implique l'interdiction. C'est pas simplement que les femmes ne peuvent pas mettre le pied dans le sanctuaire. Enfin, si, c'est ça aussi. Mais c'est surtout qu'elles ne peuvent pas faire partie de la communauté sacrifiante. Le Collège de France et France Culture vous présente Vinciane Pirène-Delforge, Polythéisme grec, mode d'emploi, aujourd'hui, la religion grecque entre unité et diversité. Nous ne disposons pas d'informations, je vous le disais, sur les seigneurs d'Élaté, ni sur cet Héraclès thasien qui n'accepte pas grand-chose. Mais du côté du Poséidon Phikios, nous pouvons peut-être davantage soulever le rideau et essayer de comprendre. En fait, le Poséidon Phikios est un dieu des algues. C'est ça que signifie Phikios. Des algues, donc des produits de la mer, hein, ce qui correspond bien au profil attendu d'un Poséidon. Ce dieu des algues donc, reçoit un animal non castré, c'est-à-dire dont la dimension mâle est particulièrement soulignée. Or, vous devez savoir que dans les prescriptions rituelles sacrificielles, quand des animaux mâles sont offerts, en général, ils sont castrés. Par défaut, c'est ce qui est offert. Et il doit être acheté, cet animal non castré, sur la taxe des poissons. Hein ? Donc, c'est lié à l'activité de la pêche. Et donc on pressent que le caractère exclusivement mâle de la communauté sacrifiante renvoie à la communauté des pêcheurs, qui est évidemment surdéterminée par les prescriptions rituelles. C'est un dieu de la mer masculin que l'on offre un animal non castré, et dans cette communauté sacrifiante-là, les femmes ne sont pas admises. On ne peut s'empêcher de penser au refus absolument ferme qu'ont longtemps opposé certains équipages de bateaux de pêche à l'idée d'accueillir une femme à bord. C'est quelque chose qui traverse, qui transcende pas mal de cultures. Et donc je me demande s'il n'y a pas là, dans cette injonction, une sorte de transfert de ce caractère masculin surdéterminé par l'activité en question et par le dieu auquel on offre cet animal. Donc voilà pour vous montrer que quand on dispose d'un certain nombre d'éléments, on peut aller un peu plus loin dans la compréhension de ce genre d'injonction. Ceci dit, à Élaté, les femmes ne peuvent pas accéder à l'Anakeion. Dans le culte de l'Héraclès Thasios, elles ne peuvent pas non plus participer aux cérémonies. Mais je pourrais aussi vous parler d'un culte des Anakès en Attique où aucun interdit de ce type n'accompagne les prescriptions sacrificielles qu'on lui connaît. Je pourrais aussi vous parler d'autres cultes d'Héraclès, ou même de cultes de Poséidon, où la présence des femmes ne semble pas poser problème. Donc là encore, il est extrêmement délicat de généraliser à l'excès, ce qui relève du choix spécifique d'un groupe à un moment de son histoire, pour des raisons qui, malheureusement, risquent de nous échapper à tout jamais, hein, sauf dans quelques cas un peu plus favorables, où nous avons un faisceau d'éléments qui nous permet d'avancer. Je referme la parenthèse sur ces interdits faits à la participation des femmes et j'en reviens maintenant à la question des étrangers et aux deux textes d'Hérodote dont je suis partie, car leur arrière-plan relève d'une règle générale. Là, pour le coup, on a une règle générale qui est celle de la place d'un grec dans une cité qui n'est pas la sienne. Et j'en reviens au questionnement qui est le mien aujourd'hui. Car le xénos, c'est l'étranger avec lequel il est possible d'entrer en relation dans un partage de références communes. ne fût-ce que la langue parlée et un arrière-plan culturel partagé. Donc un xénos, c'est avant tout un hôte, c'est quelqu'un qu'on accueille, et c'est essentiellement un grec. Mais il vient d'une cité différente, et donc il est étranger. Mais avec xénos, on a cette ambivalence du terme que l'on traduira à la fois par étranger et par hôte, des mots qui sont extrêmement différents dans notre vocabulaire, mais qui se ramènent à une seule notion dans le vocabulaire grec. Or, il est clair que la xénia ne signifie jamais l'étrangeté. La xénia, c'est l'hospitalité. Donc on voit bien que c'est cette dimension qui est mise en évidence. Donc la traduction de xénos par étranger n'est pas totalement satisfaisante, surtout en un temps, le nôtre, où le terme s'est chargé de tout le poids d'une altérité distante. Il faut bien dire que c'est extrêmement délicat aujourd'hui de traduire xénos par étranger. Et par exemple, dans le texte d'Hérodote, Isocrate, dans sa relation avec Cléomène, hein, puisque je vous ai dit que c'était Isocrate qui rappelait Cléomène pour essayer de prendre le pouvoir à Athènes, en fait, Cléomène, qui est donc lacédémonien, est donc un xénos, comme le dit la prêtresse, xénos, tu n'entres pas ici, c'est le xénos d'Isocrate, c'est-à-dire qu'il est son hôte. Et donc, vous voyez toute l'ambiguïté de cette notion. Alors, le xénos, j'en arrive à lui, n'avait pas accès au rouage politique d'une cité dont il n'était pas citoyen, et les cités prévoyaient dès lors des mécanismes d'intermédiation. On l'a vu avec le prêtre tout à l'heure à Chios qui va faire le sacrifice pour l'étranger. Parce que l'accès aux institutions religieuses n'allait pas de soi non plus. Les deux sont extrêmement liés, on ne peut pas dissocier. Si vous voulez, c'est la même logique qui prévaut, l'interdiction d'accéder au rouage politique de la cité et à ce que nous différencions comme étant des institutions religieuses, c'est une seule et même problématique dans la cité antique. Donc cet accès aux institutions religieuses n'allait pas nécessairement de soi, mais avant d'en arriver à un interdit pur et simple, comme dans les quelques cas que nous avons vus, il y avait un éventail de mesures permettant à ce type de visiteurs, ce type de xénoï, d'accéder aux différents sanctuaires et aux feux sacrificiels d'une cité qui l'accueillait, donc on l'a vu à propos de Chios. Par la manière dont il met Cléomène en scène, tant sur l'acropole d'Athènes que dans la plaine argienne, Hérodote joue habilement sur deux plans. Et j'en reviens à la substance narrative du texte d'Hérodote. Il active la conscience de ses auditeurs-lecteurs que d'une part, certains cultes étaient purement et simplement interdits aux xénoï, et que d'autre part, ces derniers étaient susceptibles de participer à des degrés divers et selon des médiations spécifiques à la vie de la cité qu'ils visitaient. Par ailleurs, dans la construction narrative du texte d'Hérodote, le choix des divinités concernées par les démarches de Cléomène, à la fois en Attique et en Argolide, est tout sauf innocent. Que ce soit l'Athénapolias de l'Acropole d'Athènes ou les rats de la plaine argienne, il s'agit à chaque fois de la divinité tutélaire de la cité dont Cléomène veut s'emparer, hein, puisqu'il veut à la fois s'emparer d'Athènes, fût-ce pour remettre la cité à Isagoras, et il veut s'emparer d'Argos, puisqu'il pense qu'un oracle lui a dit que c'était possible. Dans le cas d'Athènes, le présage autour de l'entrée dans la ditone du temple joue, je vous l'ai dit, sur la métonymie entre la résidence d'Athéna sur l'Acropole et la cité elle-même. Entrée dans le sanctuaire, c'est comme entrer dans Athènes. Quand elle lui dit qu'il ne peut entrer là, c'est d'Athènes que la prêtresse parle aussi. Quant à l'héra de l'héraïon d'Argos, elle est l'argienne par excellence. L'héra d'Argos, l'héra Argeia, c'est la grande divinité de l'Iliade. C'est la grande divinité de l'Iliade, c'est elle qui protège les Grecs. Donc l'association entre héra et Argos est quelque chose qui résonne dans l'imaginaire des Grecs, qu'ils soient d'Argos ou d'ailleurs. Elle est représentative de sa cité à la face du monde grec, comme Athéna l'est pour Athènes. Et donc l'ancrage local de ces divinités est particulièrement appuyé dans ces épisodes. Mais ce n'est pas le dernier mot de ces brèves intrigues mises en musique par Hérodote, et j'en arrive dès lors au second point que je vous ai annoncé, à savoir le fait que Cléomène s'affirme achéen. Comment comprendre cette revendication ? Et la comprendre va nous permettre d'affiner encore la question de l'ancrage topique des divinités et de leur lien avec un imaginaire partagé. Je repars du texte d'Hérodote au livre 5. Donc, quand Cléomène monte sur l'acropole d'Athènes, il prétend accéder au temple d'Athéna et la prêtresse invoque cet interdit qui frapperait les Doriens. Or, je vous ai dit, Sparte fait partie du monde dorien. Le roi va rétorquer qu'il est achéen, Achaïos, en grec. Alors, dans le monde de Cléomène et celui d'Hérodote, donc fin 6e et 5e siècle avant notre ère, être achaïen, achaïos, cela signifie que l'on vient de la région qui est située dans la partie nord du Péloponnèse, qu'on appelle l'Achaïe. C'est cela, l'ancrage géographique, à ce moment-là, que recouvre le terme d'Achaïos, ce qui ne fait décidément pas sens. Ça ne fait pas sens pour justifier la réplique du roi. En revanche, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit d'Hérodote comme étant le plus homérique des historiens, souvenez-vous, quand on a commencé à travailler sur Hérodote, je vous ai dit qu'il y avait dans l'enquête, en sous-jacent, une sorte de compétition avec l'épopée, mais une compétition en prose et qui passe par d'autres canaux d'expression. Mais les Grecs eux-mêmes considéraient qu'Hérodote était le plus homérique de leurs historiens. Alors, si on garde cela en tête, l'épisode prend une autre tournure. En effet, dans la tradition épique, et tout particulièrement dans l'Iliade, c'est en tant qu'Achaïoi, les Achéens, que le poète désigne majoritairement les Grecs qui ont mis le siège devant Troie. Ils sont les Achaïoi. Ils peuvent aussi être qualifiés de Danaoi. Dans la poésie hexamétrique, vous avez à la fois Achaïoi et Danaoi pour identifier les Grecs qui combattent sous les murailles de Troie. Mais quand on fait une proportion de l'usage des deux termes, il est clair que Achaïoi est utilisé près de 5 fois plus souvent que Danaoi. Donc on voit bien que la marque des guerriers grecs dans l'Iliade d'Homère, c'est d'être des Achaïoi. Et il me paraît que c'est dans cette référence aux guerriers grecs qui ont fait tomber Troie que se situe tout le sel, tout l'intérêt narratif de la réplique d'Hérodote, qu'Hérodote place dans la bouche du roi spartiate. Et pour le comprendre, et vous voyez comme cela que je passe du local au panhellénique, nous allons revenir chez Homère. Et donc, je voudrais me replonger avec vous dans l'Iliade, ça fait toujours du bien. Nous sommes au chant 6, donc au vers 297-311, et à ce moment du siège de Troie, la situation des Troyens est très délicate. Ils menacent de plier sous la pression des Achéens, c'est ainsi qu'Homère les désigne, et tout particulièrement sous la pression de Diomède, qui est un des guerriers achéens les plus efficaces avec Achille, et qui fait un carnage dans les rangs troyens à ce moment-là. Et Hector, donc le champion des Troyens, s'en va parler à sa mère, la reine Hécube, pour qu'elle aille avec les anciennes de Troie prier Athéna, dont le temple est sur l'acropole de la ville. Hector dit à sa mère, tu prendras un magnifique péplos, donc une pièce de tissu particulièrement brillante, tu la déposeras sur les genoux de la déesse et tu lui feras le vœu, si elle nous soutient, de lui offrir de magnifiques sacrifices. Donc, après cette injonction d'Hector, voilà la scène, telle qu'Homère l'a décrit. Je lis avec vous. À peine ont-elles atteint le temple d'Athéna en haut de l'acropole que les portes leur en sont ouvertes par la jolie Théano, fille de Chicès, épouse d'Anténor, le dompteur de cabale que les Troyens ont faite prêtresse d'Athéna. Avec le cri rituel, toutes tendent les bras. La jolie Théano prend le voile, donc le péplos. Elle le met sur les genoux d'Athéna aux beaux cheveux, puis suppliante, elle adresse ce vœu à la fille du puissant Zeus. Puissante Athéna, protectrice de notre ville, ô toute divine, brise donc la pique de Diomède. Je vous ai dit que c'était lui qui faisait le carnage dans les rangs troyens. Fais qu'il tombe lui-même front en avant devant les portes C, donc une des portes de Troie. Et aussitôt dans ton temple, nous t'offrirons 12 génisses d'un an, ignorant encore l'aiguillon, si tu daignes prendre en pitié notre ville et les épouses des Troyens et leurs fils encore tout enfants, Ainsi prit-elle, mais Pallas Athéna fait non. Donc voilà le texte. Et cette scène dessine une situation qui est assez paradoxale. Alors que la déesse Athéna fait partie, avec la déesse Héra, hein, la fameuse Héra d'Argos, des plus actifs soutiens des Achaïoi, des Achéens, des Grecs, elle est la divinité polyade, tutélaire de Troie, au sens où son temple s'élève au sommet de l'acropole et qu'elle est censée protéger la cité. On le voit dans l'expression ici, dans la prière des Troyennes, « Potniathenae erusiptolis », c'est-à-dire « toi qui tiens notre cité, qui la protège, toi qui protège, toi qui es le rempart de notre cité », ce qui est d'une ironie totale, évidemment, quand on connaît l'intrigue de l'Iliade. Et donc, ce sont en fait Apollon et Aphrodite qui protègent les Troyens, et Athéna et Héra qui protègent les Grecs, avec d'autres. Donc, d'un point de vue épique, du point de vue de la narration épique, les femmes qui prient Athéna s'adressent aux mauvais interlocuteurs divins. Même si d'un point de vue civique, du point de vue local de la cité, elles font le meilleur choix qui puisse être. Elles viennent prier l'Athéna acropolitaine d'assurer la continuité de la communauté, on le voit bien, en protégeant les épouses et les enfants. Et cette logique civique se heurte évidemment à la logique narrative du poème. Athéna n'accède pas à leur demande, elle fait non, car dans l'épopée, Athéna est en quelque sorte hors sol, si vous me permettez cette expression. Elle est hors sol, et le refus qu'elle oppose aux Troyennes, seul le narrateur et les auditeurs le perçoivent. Les femmes en prière ne voient que sa statue et le péplos étincelant qu'elles ont déposé sur ses genoux, ces femmes qui sont pleines d'espoir, un espoir qui est aussi porté par la prêtresse Théano, qui a été choisie par ses concitoyens, celle qui porte la clé du temple, celle qui en ouvre les portes et promet des sacrifices au nom de la communauté, comme dans n'importe quelle cité historique de la Grèce. Et donc, il y a un effet dramatique dans cette scène qu'il ne faut pas négliger quand on la lit. Et donc, je reviens maintenant à Cléomène. Dans la scène de Cléomène montant sur l'acropole d'Athènes, en fait, c'est le oui d'Athéna à son entreprise de conquête que vient chercher le roi de Sparte. Ou plutôt, si je conserve le strict parallèle avec le chant 6 de l'Iliade, il vient quérir un non de la part de la déesse et son refus d'assurer la protection de sa propre cité, comme l'Athéna qui tenait l'acropole de Troie. Et on peut pousser le parallèle encore un peu plus loin, puisque évidemment, sous les murailles de Troie, qui remporte la guerre? C'est essentiellement par l'intermédiaire des chefs Agamemnon et Ménélas. Or Ménélas est roi de Sparte. Donc vous voyez que là, il y a une résonance qui ne devait pas échapper ni à Hérodote lui-même, ni à ses auditeurs. Et c'est un tel arrière-plan épique qui est convoqué par le statut d'Achéen qu'assume Cléomène face à la prêtresse athénienne. La prêtresse athénienne qui devient, en quelque sorte dans l'épisode, la Théano de la cité d'Athènes. Mais cette Athéna-là, elle n'est plus hors sol. Elle est enracinée dans la cité d'Athènes. Le point de vue est athénien et Cléomène sera chassée d'Athènes. Encore une fois, l'historicité de l'épisode importe peu. En revanche, les ingrédients qu'Hérodote y a injectés me permettront de conclure notre parcours, puisqu'il est temps, dans le polythéisme grec entre unité et diversité. Car cette Athéna dont je vous parle depuis un moment, de quelle déesse s'agit-il? Je vous ai dit, un grec étranger qui arrive dans une cité qui n'est pas la sienne, comment perçoit-il les divinités qu'il y rencontre? Et pour répondre à cette question, je dois compléter le tableau, parce que je vous ai parlé de l'Athéna Polias sur l'acropole d'Athènes. Je vous ai parlé de l'Athéna Erysiptolis sur l'acropole de Troie, dans l'Iliade. Mais vous devez savoir aussi, si vous ne le savez pas déjà, que sur l'acropole de Sparte, là d'où venait Cléomène, qui trouvons-nous? Athéna. Athéna, dont nous savons qu'elle porte, nous savons par Pausanias, qu'elle porte l'épiclèse sur l'acropole de Sparte de Polyoukos, c'est-à-dire celle qui tient la cité. Et donc, voilà ces trois sanctuaires d'Athéna sur des acropoles, deux dans les cités historiques, une dans la référence épique par excellence qu'est l'Iliade. Que fait-on de cela? Alors, tout est une question de perspective. À l'échelle locale, dont témoigne Hérodote, Athéna manifeste sa bienveillance à la seule communauté locale qu'il a installée en ce lieu. Et je reviens au bout de notre parcours à ce champ sémantique de l'installation que je vous ai seriné pendant plusieurs leçons. Cette installation, c'est-à-dire la fondation, la convocation d'une divinité à s'installer dans une communauté locale, c'est fondamental pour comprendre précisément les différentes perspectives qui se jouent. C'est à la communauté au sein de laquelle elle est installée que l'Athéna d'Athènes accorde ses faveurs, une communauté à laquelle Cléomène n'appartient pas. Il n'en fait pas partie. C'est pourquoi il est un xénos qui ne peut entrer en relation directe avec l'Athéna locale. Mais si j'ai raison de voir dans la revendication d'être un achaïos une référence à l'épopée et plus particulièrement au chant 6, cette petite histoire atteste que pour Hérodote et ses auditeurs-lecteurs, l'Athéna, hors sol des traditions narratives, pouvait entrer en résonance avec le culte ou les cultes que les communautés locales lui rendaient sur leur acropole ou ailleurs, en l'enracinant dans leur territoire. Et ce lien, il passe par le nom de la divinité elle-même. Dans toutes ces différentes configurations, il y a Athéna. De la même manière, comme le disait Xénophon dans un passage que nous avons lu précédemment, Zeus, qui paraît toujours le même, possède de nombreux noms. Les dieux grecs sont profondément topiques, locaux, dans la mesure où c'est l'hommage rendu par les communautés qui font d'eux les dieux qu'ils sont, et non une quelconque révélation générique qui affirmerait leur existence et définirait les obligations des fidèles. Mais l'existence même d'un imaginaire partagé, et celui d'Homère est évidemment omniprésent dans la culture grecque, l'existence même d'un imaginaire partagé ne doit pas être négligée pour comprendre les choix qui étaient opérés à l'échelle locale par les communautés dans l'éventail de l'offre divine disponible. La relation avec les multiples interlocuteurs, les multiples puissances du monde suprahumain qui faisait communauté avec eux, donc les dieux étaient là, je vous l'ai dit, la définition d'une cité grecque, c'est les hommes et les dieux, et les héros, et les ancêtres. Et donc cette relation était fondée sur une expérimentation continue. Dans une certaine mesure, vous savez, les épisodes de Cléomène dans les deux endroits, c'est ses expérimentations à lui. Alors à lui, explose à la figure, mais ce sont ses expérimentations à lui. Donc cette expérimentation mobilisait des faisceaux de représentation puisés à toutes les sources du savoir sur les dieux, ou des savoirs sur les dieux, celle de l'expérience rituelle, qui est un savoir sur les dieux, comme celle des traditions narratives et iconographiques, des plus sublimes aux plus modestes. Et sur ce constat, nous en sommes arrivés au terme de notre parcours de cette année. Et si vous acceptez de me suivre encore dans la reconstitution de cette expérimentation, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une autre série de leçons. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 12 avril 2018 Vinciane Pirène Delforge, Politisme grec, mode d'emploi. Aujourd'hui, la religion grecque entre unité et diversité. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Vinciane Pirène Delforge. Sa leçon inaugurale, « Le politisme grec comme objet d'histoire », vient d'être publiée chez Fayard. Iconographie web, Claire Poinsignon. Réalisation, Laure-Hélène Planchet. Présentation, Meryl Moneghetti. Demain, nouvelle série avec Sanjay Subramaniam, Réseau marchand et empire à l'époque moderne. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.